Salut à tous, bienvenue dans 90 minutes de musique qui pulse sur le 895 de Radio Dio en ouverture. Le groupe Bad Company avec son album Run With The Pack et le morceau Live For The Music pour ce classique des années 70 sur laquelle on a ici une superbe partie de basse sur le final, un excellent titre qui me rappelle tout simplement mes jeunes années. Donc c'est parti pour l'année 2025 d'Overdrive. On aura de très bonnes choses ce soir, pas mal de nouvelles musiques ainsi que des annonces concerts qui vont commencer dès maintenant avec le 31 janvier prochain du côté de Lyon. Vous retrouverez le groupe Night Flight Orchestra qui viendra fêter avec nous la sortie de leur dernier album. Ça s'appelle Give Us The Moon. Ça paraîtra donc le 31 janvier, le soir du concert du côté de Lyon. La date sera exactement à à Rieux-la-Pimpe. Donc pour ceux qui apprécient, on va dire Lauer, hein, la musique FM, ils devraient vraiment adorer Night Like Orchestra. S'ils ne connaissent pas ce groupe, jetez-vous dessus. Ils nous font là une belle tournée et ça devrait être super super cool. On va se passer un extrait de leur prochain album, donc ce sera Give Us the Moon par le groupe Night Flight Orchestra. Excellent que ce Night Light Orchestra, Give Us The Moon, morceau titre de leur prochain album qui verra le jour le 31 janvier prochain. Ça devrait être super cool. Comme on le disait, ils seront du côté de Rieux-la-Pape à la MJC au Totem. Voilà, qui devrait faire une superbe soirée pour égayer cet hiver qui est ici du côté de Saint-Étienne, assez rude. Voilà, toujours dans Overdrive, Night Light Orchestra, je l'ai déjà dit, et on va encore une fois envoyer une petite pensée au guitariste David Anderson de Soilwork et Night Light Orchestra, qui est tragiquement disparu de problèmes de santé importants liés à une certaine accoutumance à l'alcool. Donc décédé en 2022, juste après la sortie du dernier album de Soilwork. Voilà, encore une fois, pour un très très grand guitariste, en plus de ça, médecin à la ville, gastro-entérologue et un gastro-entérologue reconnu. Maintenant, Afterlapse, qui voit le jour sur le label Frontiers Records. On a ici affaire à du rock metal progressif que ne renierait pas un certain Dream Theater. Voilà qui devrait nous faire patienter d'ici la sortie prochaine du prochain album donc de Dream Theater qui aura lieu début février. Afterlapse, Clones. Afterlapse avec son dernier album, et le morceau Clones qui voit le jour sur, Frontiers Records pour cet album Pathways. Une petite ressemblance à un certain Coty Timo, Coty Pelto du coup de Stratovarius dans certaines intonations. Voilà, Nightwish tout de suite avec son dernier album Yester Wind qui voit le jour sur Nuclear Blast et ce sera le morceau Lantern Light tout de suite. Vous écoutez toujours Overdrive Radio Duo. Gone is the hurt, the weight. Gone is the warmth of day. A stray boat saved happy memories. And great, oh, into a velvety night beneath the lantern light. Last night brought the heaviest of snows, melting the songs of old. Far above the lantern light. Yes, encore une fois, très cool, un petit moment de calme dans ce Overdrive sur Radio Duo pour, encore une fois, le dernier album de Nightwish. C'était ici, Light Lantern Light. On continue maintenant avec... une annonce concert qui n'en est pas une, puisqu'on va diffuser l'album Live in Moscow de Lindemann. Lindemann, bien entendu, projet solo du chanteur de Rammstein, mais pas uniquement, puisqu'on retrouvait ici, à cette époque-là encore, dans son groupe solo, Peter Tadgren de Pain et Hypocrisy en doublon, et qui nous avait sorti deux très bons disques. On va passer, bien entendu, un de ces extraits, et on rappellera que Pain sera en concert du côté de Lyon, et ce sera au milieu du mois de février. On va envoyer ça. On va envoyer ça, pardon, tout de suite dans Overdrive Radio Duo pour, encore une fois, de la musique qui pulse avec des titres extraits de cet album. Le premier album était chanté en anglais, le deuxième plutôt en allemand. Et on va peut-être un titre du premier album avec ce morceau Lady Boy qu'on va écouter tout de suite dans Overdrive Radio Duo. Lady Boy. with the sweetest gun. Never mind what I have become. Why should I love when I can have fun, yeah? Voilà pour Lindemann, bien sûr, chanteur de Rammstein, en compagnie de Peter Tadgren de Hypocrisy et bien sûr Pain, qu'on retrouvera du côté de Lyon le 16 février prochain. On continue maintenant dans Overdrive, encore avec de l'excellente musique, cette fois peut-être des groupes un peu moins connus, mais qui nous sortent de l'excellente musique, comme ce Lord Goblin qui avait sorti cet album éponyme sur le label No Remorse Records au mois de novembre dernier. Donc ils nous viennent d'Italie, ils nous sortent une musique heavy metal à la fois épique et également inspirée des choses plus sombres comme le black metal old school. On a affaire ici à une production qui se veut un peu roots et qui donne toujours encore du charme à la musique. Ce sera extrait de cet album éponyme, le morceau The Wanderer, tout de suite dans Overdrive, Radio Dio, Lord Goblin. Yes, excellent que ce Lord Goblin avec The Wanderer, tout de suite du heavy metal de tradition et bien sûr de qualité pour cet album éponyme, samedi 8 mars du côté de La Rayonne à Lyon, vous retrouverez Freak Kitchen, Mathias Eklund et ses bandes de potes. Nous reviendrons avec leur excellent groupe suédois et bon, pour l'occasion on va se repasser un petit extrait, non pas du dernier album mais du disque paru en 2014, c'était Cooking with Pagans, qui est un superbe album sur lequel on retrouvait pas mal de très bons trucs, notamment ce morceau qui me fait toujours délirer, Saving Up for an Anal Bleach. J'espère qu'ils vont l'interpréter du côté de La Rayonne le 8 mars prochain. Freak Kitchen, Saving Up for an Anal Bleach. Saving up, saving up, saving up, saving up. Et maintenant sur des terres beaucoup plus stoner, ce sera au tour de Moon Wizard et ce Mothership. Voilà pour le groupe Moon Wizard avec ce morceau Mothership, extrait de cet album Sirens, tout de suite sur Overdrive Radio Duo. Il est 22h passé de 15 minutes. Vous écoutez toujours les programmes du soir de la radio associative stéphanoise. Et il est temps encore une fois d'annoncer des concerts de cette rentrée de janvier 2025. Il s'agira cette fois d'un concert qui se tiendra au Fil de Saint-Étienne. Ce sera le 31 janvier. Prochain, donc ce soir-là vous aurez le choix entre Night Flight Orchestra du côté de Rieux-la-Pape à Lyon, ou alors pour les Stéphanois, Lofofora et Vertex du côté du Fil de Saint-Étienne. Et l'occasion est là pour nous de nous passer un extrait de ce dernier album de Lofofora, que j'ai bien aimé, que j'ai trouvé peut-être plus diversifié que certaines de leurs réalisations précédentes, et notamment que le chanteur Renaud avait un peu développé sa palette vocale sur ce disque-là. Bien entendu, tout en gardant sa verve qui le caractérise. On s'en voit ça tout de suite, extrait de cet album Cœur de cible. Ce sera le morceau ADN, tout de suite dans Overdrive Radio Duo. Music TEMP, maintenant avec son nouvel album Affre de Paix et ce sera le morceau Bar Back. We'll be right back. Yes, maintenant une annonce avec un retour un peu étonnant et un départ un petit peu étonnant. Ce sera celui de départ du chanteur Zetro, Steve Zetro Souza de Exodus, qui était revenu dans le groupe depuis maintenant une dizaine d'années, un peu plus d'une dizaine d'années. Et le retour de Roy Dukes, qui l'avait remplacé au milieu des années 2000, 2005, il me semble, avec cet album Shovel-Headed Kill Machine. Donc voilà ce qui le chanteur qui figurera sur le prochain album d'Exodus. L'occasion pour nous de diffuser un extrait de cet album avec le long titre trash qui s'appelle Death and Phetamine, qui fera peut-être le retour sur les setlists du groupe pour l'occasion. We'll be right back. Yes, une leçon de trash comme seul Gary Holt sait les pondre. Death and Phenomene sur l'album Shovel Headed Kill Machine, sur lequel on avait pour la première fois le chanteur Rob Dukes au micro. Rob Dukes qui vient, comme je l'ai dit, de revenir dans le groupe suite au départ de Souza après une dizaine d'années de retour au Berkaï dans Exodus. Retour gagnant également, il s'agira de March of the Unheard, dernier album en date de Hollow Effect, ce groupe mené par tous des anciens membres de In Flames, avec bien entendu Michael Stanne, chanteur de Dark Tranquility, mais qui officiait sur le tout premier enregistrement de In Flames au chant. Et également, peu de monde le savent, mais il était également chanteur dans Hammerfall. Voilà, donc les anciens In Flames et le parrain pour moi du son de Göteborg, bien entendu, le guitariste Jesper Strömwald à la guitare, ici nous pond un deuxième album tout aussi bien que le premier, peut-être même supérieur, sur lequel on a d'excellents morceaux. J'ai eu la chance de voir le groupe sur scène du côté du Motocultor Festival et même d'interviewer le guitariste Niklas Angelin, et c'est vraiment de la balle que ce Hollow Effect. Et on s'écoute tout de suite Our Channel to a Darkness, extrait de leur dernier album. Yes, un groupe qui a fait là aussi parler beaucoup de lui cette fin d'année dernière. Il s'agit de Blood Incantation. Malheureusement, je n'ai pas eu l'album en avance et je n'ai pas pu en diffuser ici dans Overdrive. Mais l'erreur est réparée puisqu'on va diffuser tout de suite The Message avec Tablet One, extrait de ce Absolute Elsewhere qui devrait ravir les fans de death metal progressif Overdrive. Radio 2. We'll be right back. Yes, Blood Incantation, tout de suite, The Message, Tablet One, et cet album, Absolute Every, Absolute Elsewhere. On va continuer avec du death metal maintenant. Panzer Christ et The Mist of the Moat, tout de suite dans Overdrive pour quasiment terminer l'émission. Drawn from the water and hanged by the neck until you are dead. Voilà, Overdrive, c'est terminé. On se quitte à nouveau au son de Bad Company. On rappelle le www.radiodio.org. On rappelle le www.facebook.com/overdrive-radiodio. La page Overdrive Radio Dio sur Instagram. Les podcasts hébergés sur Mixcloud également. Voilà, on se dit à la semaine prochaine pour plein de bonnes musiques, d'annonces, de concerts, de sorties d'albums. Bref, tout ce qui nous fait vibrer et prendre autant de plaisir. Merci. Ciao. Bye bye.